my life so I could have you. Dans mon local, je retombe sur une petite centaine de cassettes, presque toutes des années 80 et 90, que je n'ai jamais réécoutées. Je les prends l'une après l'autre, dans l'ordre, mais il n'y a aucun classement. Elles les passent sur ma stéréo, que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. In my music studio, I come across two boxes of about 100 tapes. Almost all from the 80s and 90s that I never listened to again. I take them, one after the other, there is no classification, and play them on my sound system I haven't used for a very long time. Il y a des mixtapes, des albums, des émissions de radio, des enregistrements d'auditions au conservatoire, des concerts, des extraits de disques de saxophonistes classiques, différentes démos. Certaines cassettes ne sont même pas à moi. There are mixtapes, albums, radio shows, recordings of my recitals at the conservatory, recordings from classical saxophonists, demos. Some of these tapes are even not mine. J'enregistre quelques secondes depuis l'endroit où la bande se trouve. Je garde tout. Je ne change pas l'ordre. Je travaille juste les enchaînements. Mon disque était terminé, il me restait 3-4 chansons. Je voulais pas foutre au panier, qui était vraiment trop canon. Alors je me suis dit, rebelote, une fois de plus, je vais essayer de les refourguer à des potes. Des fois, Dieu, ils seraient plantés. I keep everything. I don't change the order. I just work on the transitions. Essayer d'oublier. À 8h15 sur France Culture, mais tout de suite, donc un peu plus de 8h30 maintenant, Les Chemins de la Connaissance, dernier volet de la série de Jacques Munier, Archéologie de la publicité. Aujourd'hui, une affiche qui passe avec l'historien de l'art, Philippe Piguet. J'étais tranquille dans mon auto, j'écoutais mon autoradio, un sonologue combiné cassette. Super balade, un truc hyper chouette. Cette chanson m'avait bien plu, mais le programme fut interrompu. Le Super Balade Sonalore est un autoradio combiné cassette. Et quand un type dans mon genre vient vous casser les oreilles, vous appuyez sur votre cassette et c'est reparti. J'étais tranquille dans mon auto, j'écoutais mon autoradio, un sonologue combiné cassette. Super balade, un truc hyper chouette. Yeah, there's a... raisin. Faut que j'ai un la pêche en pied raisin. Un chapitre, ça va la la oui, ben, que t'y a la main du bon, la main du bon, la main du bon, la main du bon, la main du bon, la main du bon, la main du bon, la main du bon, la main du bon. Je me réveille, autour de moi la lumière et tous les bruits me font peur. Si mes petits yeux scintillaient pour voir les merveilles de la terre tout entière qui me viennent de ta chaleur. Nota Bene, le magazine culturel d'Espace 2, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Permets-moi, je t'en prie, Marie. Permets-moi pour une sombre histoire de cul. Vous prenez tous les deux une fois pour toutes que pour moi, histoire de cul n'ont aucune importance. Que vous baisiez, j'en ai rien à foutre. Je suis tellement heureuse avec vous. J'en ai rien à foutre. Vous prenez-le au moins une fois pour toutes, j'en ai rien à foutre. Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégaye. C'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Je dois rester tout le temps avec vous. Non, je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. You know I love you. Memphis. Sont sur place et puis aujourd'hui les troubles continuent. Philippe de Bossé, 47 tués au moins, 78 blessés à Beyrouth dans la journée de mardi, c'est bien la preuve que rien n'a changé. En effet, le 39e cessez-le-feu qui a été signé depuis 15 mois, cette fois-ci sous l'égide du premier ministre libyen à Beyrouth, a effectivement fait cesser les combats temporairement entre Syriens et Palestiniens. En revanche, il n'a aucunement arrêté les affrontements entre chrétiens et musulmans. Motherfucker is. Ladies, make them act like they know. You are, was, and always will be. Pussy control. Peace. Wow. Peace, yo. And welcome to Jazz with Tanz, an experimental fusion of hip-hop and live jazz. I'm your host, The Guru. That stands for Gifted Unlimited Rhymes Universal. Now, I've always thought of doing something like this, but I didn't want to do it unless it was going to be done right. You know what I'm saying? Baraka, les brèves. Alors, rapidement. Hein. Chez Discofis, ils ont un catalogue. Et comment puoi risalire? Je ne suis pas convaincu que si on admet qu'il y ait des textes qui sont transmis par téléphonie ou bien par des haut-parleurs dont la compréhension est quelquefois difficile et surtout ne rend pas la qualité du timbre ou du débit, à ce moment-là, je peux très bien imaginer qu'on associerait ces textes-là à ceux-ci, où à l'origine, il y a tout de même une voix. Mais les haut-parleurs, des mégaphones et tout, altèrent complètement. Déforment la voix. Mais il y a quand même quelqu'un au loin qui appelle de l'autre bout du monde, même si c'est un son téléphonique. Ça oui. change tout. Il y a la volonté de parler à quelqu'un, tandis que là, il y a un discours amusant, mais terriblement électronique quand même. Du pain brûlé, le chant de l'eau dans la baignoire me rend le cœur léger, léger, léger. Eh oui. Jab, jab, jab to the beat. Jab to the beat. My dress on the Indiana road, sky blue jacket in the front of the phone. Tribe was set on the 9 to 9, trying to beat the bird to the China line. Just a half a mile from the tube field, speeds I say at the top of the hill. 35 miles and it's the A line. Dragon, fed a bird, never let it sound. Slow down, deep cool, fed a bird. Slow down, deep cool, fed a bird. Gentlemen, it's start time. A young man that needs no introduction. His actions speak loud in the world. He's great at my people off the soul. Every record he records go platinum and gold. Ladies and gentlemen, two-time Grammy Award winner. One of the most classic entertainers in the world. Let's meet and greet the star of our show, Marvin Gaye. La forme de ton visage n'est ni carré ni ronde. Ce n'est pas un triangle, ce n'est pas un rectangle. C'est un petit visage pointu, avec un petit nez pointu, un tout petit front têtu. Fun. Those days are gone.